Bah, mon père connaissait la mine, hein, le vécu, les risques, donc il voulait absolument pas que ses enfants aillent à la mine. Donc c'était une leçon qu'il a voulu me donner, disant, je vais te montrer ce que c'est, et du coup tu vas comprendre qu'il faut pas que tu prennes cette voie-là pour ton avenir. Alors, j'avais 18-19 ans, voilà. Donc il m'a emmené. Et il y a une espèce d'ambiance avant le départ à la maison où tout est calme, où voilà, il est préparé. Il me dit, allez, on y va. Donc on monte dans la voiture et puis on est allé jusque sur le carreau de la mine. Alors c'était à côté de Valenciennes, à Condé-sur-l'Escaut. Et ça s'appelait, le puits c'était Le Doux. Personne n'était au courant. Donc il m'a fait passer pour un élève ingénieur, voilà, qui allait passer la nuit avec lui dans les galeries, voilà. Et l'objectif, c'était bien que je comprenne que c'était pas un avenir pour moi d'aller dans la mine, voilà. Donc son patron, ben, il est passé à plusieurs reprises pendant la nuit, et donc évidemment, il fallait pas que je sois surpris puisque j'étais là en fraude. Donc à ce moment-là, mon père m'indiquait les galeries dans lesquelles je devais aller. Donc j'ai couvert un petit peu tout seul les installations qui sont assez conséquentes, qui font beaucoup de bruit aussi, hein, les pompes particulièrement. Et donc du coup, il fallait que je puisse me cacher, me planquer, jusqu'à ce que son chef soit passé. Donc, et d'ailleurs, j'avais rencontré une équipe de trois mineurs qui étaient là et qui m'ont sollicité pour pousser un wagonnet. Donc, j'ai fait ça en silence, sans rien dire. Et puis après, je suis reparti dans les autres galeries. Voilà. C'était éducatif pour mon père, hein, qui ne voulait pas que j'aille dans cette voie-là. Et donc, ça commence le soir, un petit peu avant 22h, puisqu'il commençait la mine à 22h. Donc on monte dans sa voiture et nous voilà en route. Donc on arrive sur ce qui s'appelle le carreau. Donc c'est l'endroit où se trouve le chevalet et où il y a les salles pour se déshabiller, pour mettre les vêtements de la mine dans la grande salle des pendus, hein, où il y a des espèces de chaînes qui permettent de monter les vêtements. Voilà, civil, et de mettre son bleu de chauffe. De là, on est parti vers les ascenseurs. Donc là, c'est la première grosse impression, quoi. C'est deux cages l'une sur l'autre. Donc les mineurs rentrent là-dedans, et puis on descend. Voilà. Donc on descend 660 mètres. Ça demande une minute et demie, hein. Donc c'est relativement long quand on vit ça pour la première fois. Et puis, voilà, on arrive au fond, à 660 mètres. Et mon père m'emmène avec lui dans la galerie où il travaille, où il assure l'entretien des machines. Voilà. Donc, pour éviter d'être pris, puisque j'étais là en fraude, il m'avait donné des consignes. Il m'a dit, bon, tu vas dans telle galerie, quand le chef passe, etc. Et donc, les premières sensations que j'ai eues, c'était l'hiver. Et donc pour une mine, il y a deux puits en fait, pour permettre la circulation de l'air. Et en hiver, il y a des braseros autour d'un des puits, et ils brûlent du bois. Et la première sensation, c'était très bizarre, c'est qu'à 660 mètres sous terre, bah, vous sentez de l'odeur du bois qui brûle. Donc quand vous n'êtes pas habitué à ça, vous dites, qu'est-ce qui se passe, il y a un feu quelque part. Donc c'était pas une grosse peur, mais de l'inquiétude. Voilà. Après, je me suis baladé, donc il y avait des très grosses installations, puisque les mines, il faut constamment pomper l'eau, sinon ça, voilà, ça se remplit. Donc ça aussi, c'était assez impressionnant. On se dit toujours, pourvu que ça ne s'arrête pas, parce que la mine serait envahie par l'eau. Voilà, donc on a des peurs comme celle-là, en fait. Et puis la dernière sensation assez forte, c'était, en me baladant dans les galeries, c'était des craquements. On risque rien, hein, tout est étayé, mais ça bouge, et ça fait du bruit, et ça craque. Voilà. Donc, j'ai passé toute la nuit comme ça, et puis au matin, on est remonté avec tous les mineurs, hein, Cette fois-ci, ils avaient tous le visage complètement noir, pour ceux qui travaillaient à l'exploitation. Donc, j'avais pu m'avancer un petit peu vers les tailles. Et ce qui était impressionnant aussi, c'était la réduction de la hauteur des tailles. Et ça, c'était toujours une petite peur de se dire, pourvu que je ne reste pas coincé là. Voilà. Et puis, donc, on est remonté le lendemain matin et on est rentré à la maison. Voilà. C'était un métier difficile, donc il y avait des accidents souvent. Hein, donc c'est comme quand on construit un bateau et que tout le monde œuvre à ce travail-là. Il y a une fraternité, une certaine. Les gens se tenaient les coudes. Enfin, il y avait une ambiance vraiment particulière. C'était. Encore que les mines de Valenciennes n'étaient pas trop dangereuses. Donc il m'a raconté un jour que. En forant, ils avaient perforé une veine d'eau et qu'il avait été réquisitionné donc pour transporter des sacs de ciment rapide, aller vers l'endroit où la veine remplissait les galeries et poser les sacs de ciment rapide pour boucher la galerie, éviter que la mine soit complètement inondée. Voilà, donc il a vécu des choses quand même un petit peu costauds. Alors que dans le Pas-de-Calais, les mines étaient beaucoup plus dangereuses, dans la mesure où il y avait du grisou. Et le grisou, donc, c'est un gaz qui explose par sa densité dans l'air et qui soulève un nuage de poussière de charbon qui s'enflamme. Donc là, c'était extrêmement dangereux. Il y a d'ailleurs eu des accidents très importants dans la région du Pas-de-Calais, où, avec beaucoup de morts. Hein. Ils étaient extrêmement fiers. Ils n'auraient jamais raté une journée de travail. C'était la mine, c'était tout, quoi. Eux, ils étaient extrêmement fiers. Hein. Il y avait une solidarité, une camaraderie entre eux qui était... extraordinaire. Jamais retrouvé ça dans d'autres métiers, parce qu'il n'y a pas ce risque, je pense. Mais là, c'était des histoires qui m'étaient racontées quand les anciens venaient à la maison boire le café ou la goutte, hein, puisque dans le Nord, on boit du genièvre. Et les anciens me racontaient que quand ils étaient au fond de la mine, lui, il avait commencé, il avait 14 ans. Et donc, il y avait des chevaux au fond de la mine. Donc, les chevaux descendaient et ne remontaient que quand ils étaient morts. Et lui, il était chargé de faire avancer les wagonnets au fond de la mine avec ses chevaux. Et il m'expliquait que quand il mettait un wagonnet de plus, le cheval refusait d'avancer. Quand il s'arrêtait, chaque wagonnet tapait l'un contre l'autre. Et le cheval, il comptait le nombre de wagonnets. Et le jour où il en mettait un de plus, il refusait d'avancer. Voilà, des petites histoires que me racontaient les mineurs plus anciens encore. Ah ben dans le Nord... tous les étangs qui peuvent exister, c'est suite à des effondrements des galeries qui se sont affaissées. Donc ça a modelé aussi le terrain, quoi.